Thank you. Tout ça peut t'amuser, mais c'est que la langue de copie que tu vas oser manger et puis la vidéo. Chut, on va me dire que c'est plus radical. On va péter comme ça, je suis là. Thank you. Thank you. Thank you.